Celui qui ne bannit pas un non-musulman de l'islam ou doute de sa mécréance devient mécréant. Sache qu'Allah te fasse miséricorde, que la clé qui fait entrer l'homme dans l'islam, c'est la connaissance et la pratique de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Celui qui ne connaît pas le sens de ce témoignage ou ne le pratique pas, il n'est pas possible de le considérer musulman. Cheikh Abdel Latif ibn Abdelrahman et le Cheikh dit « Et même, prononcer les deux attestations de la foi n'empêche pas de sortir de l'islam, sauf pour celui qui en connaît la signification et agit en conséquence et consacre l'adoration à Allah seul et lui donne aucun associé. C'est à lui que sera utile la prononciation de ces deux attestations. Par contre, celui qui les prononce sans qu'il ne se soumette à ce qu'elle entraîne, mais au contraire donne un associé à Allah et prend des médiateurs entre lui et Allah, et leur demande des choses que seul Allah est capable de donner, et leur fait des offrandes et pratique ce que faisaient les païens idolâtres, celui-là, ça ne lui sert à rien de prononcer les deux attestations de la foi. C'est même un menteur lorsqu'il prétend témoigner de l'unicité d'Allah. Ce témoignage signifie qu'il n'y a rien en dehors d'Allah qui mérite d'être adoré. Et Allah ne doit être adoré que d'après l'enseignement de son messager et dernier prophète Mohammed, qu'Allah le bénisse et le salue. À partir du moment où cette phrase signifie qu'il n'y a de vrai Dieu qu'Allah, on ne pourra pas comprendre la portée de cette phrase tant qu'on ne saura pas ce qu'est un Dieu. Cheikh Abdullah Abu Bataïn dit « Quant au terme « il est », c'est ce que les cœurs divinisent par amour, humilité, peur et espoir, et ce qui s'ensuit comme désir, crainte, dépendance, imploration du secours lors des détresses, l'invocation, le sacrifice, le vœu, la prosternation et toutes les formes d'adoration du corps et du cœur. C'est un « il est », un Dieu. Cela signifie « ce qui se fait adorer ». Et tous les érudits de la langue arabe sont d'accord pour définir la signification du terme « il est » ainsi. Celui qui adore un autre qu'Allah, de quelque manière que ce soit, en invoquant un autre qu'Allah, en implorant son aide, en lui demandant d'exaucer les prières, en lui demandant d'accorder la subsistance, en se référant à ses lois en dehors de celles d'Allah pour juger des litiges ou quoi que ce soit comme autre forme d'adoration, il n'est pas musulman car il ne pratique pas « la ilaha illallah ». Celui qui adore Allah, mais en se référant à un autre prophète que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas musulman, car il ne pratique pas Muhammad rasulullah. Et les savants de l'islam sont unanimes pour dire que celui qui trouve qu'on peut être musulman, même si on ne pratique pas la ilaha illallah Muhammad rasulullah, il ne sait ni ce qu'est musulman, ni ce qu'est l'islam. Abdelrahman ibn Hassan al-Sheikh dit, il faut donc absolument bannir de l'islam ceux qui associent à Allah, car ce qu'implique fatalement le sens de « il n'y a de vrai Dieu qu'Allah » qui est la parole de la consécration du culte à Allah. Son sens ne se valide pas tant qu'on n'a pas banni de l'islam celui qui donne un égal à Allah dans l'adoration. Le Cheikh nous dit ici que le tekfir, l'excommunication de celui qui donne un associé à Allah, est l'implication inévitable du monothéisme. Or selon les juristes, lorsque l'implication inévitable d'une chose est absente, cela prouve que la chose elle-même est absente. Par exemple, nous avons vu dans la définition de la foi que la pratique religieuse du corps est l'implication de la foi du cœur, et que lorsqu'un homme ne pratique rien de la religion, cela prouve l'absence de foi dans le cœur. Et bien de même, celui qui trouve que quelqu'un qui adore un autre qu'Allah est tout de même musulman, il nous prouve qu'il ne sait pas ce qu'est l'islam. Les avis des savants de l'islam à ce sujet. Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. D'après Ubaid ibn Abdullah ibn Utba, il dit « Lorsqu'apostasia, ceux qui apostasièrent à l'époque d'Abu Bakr, Abu Bakr voulut les combattre. Omar lui dit « Les combattu alors que j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire « Celui qui témoigne qu'il n'y a de vrai Dieu qu'Allah et que Mohammed est son messager, ses biens sont inviolables sauf en vertu d'un droit et c'est à Allah qu'appartient son sort. » Alors Abu Bakr dit « Assurément, je combattrai quiconque voudrait faire une différence entre la prière et la zakat. Et par là, je combattrai certes quiconque fait une différence entre les deux jusqu'à ce qu'il n'en fasse plus. » Après ça, Omar dit « Ainsi, nous combattîmes avec lui. » Et ce fut à juste titre. Puis, une fois qu'ils ont triomphé d'eux, il leur dit « Choisissez entre deux options de ma part, soit la guerre évidente, soit la honte. » Ils dirent « Cette guerre évidente, nous y avons déjà goûté. » Alors, Qu'est-ce que cette honte ? Il dit, témoignez que nos tués sont au paradis et que vos tués sont en enfer. Alors ils firent ainsi. Ici, Abou Bakr exigeait de la part des apostats de témoigner de la mécréance de ceux de leur rang, comme condition pour accepter leur repentir et leur retour à l'islam. Abu Abdurrahman Salma ibn Shubayb al-Nasaburi. Celui qui ne témoigne pas de la mécréance du mécréant est un mécréant. Muhammad ibn Sahnoun al-Maliki, rahimahullah, a dit, les savants sont unanimes sur le fait que celui qui insulte le prophète, qu'Allah le bénisse et le salue, ou le rabaisse, est un mécréant. Et celui qui doute de sa mécréance et de son châtiment est un mécréant. Al-Hussein Muhammad ibn Ahmed al-Malati al-Asqalani, quant à la chose pour laquelle les Mu'tazila de Bagdad considèrent ceux de Basra mécréants, c'est au sujet du douteur et de celui qui doute du douteur. Ceci veut dire que il n'existe aucune divergence entre les Mu'tazila de Bagdad et de Basra, ainsi que l'ensemble des gens de la Qibla, c'est-à-dire tous les musulmans, que celui qui doute de la mécréance d'un mécréant est un mécréant. Car celui qui doute sur la mécréance n'a pas de foi, vu qu'il ne sait pas reconnaître la mécréance de la foi. Il n'existe donc aucune divergence entre tous les membres de la communauté musulmane, que ce soit les Mu'tazila ou les autres, que celui qui doute de la mécréance du mécréant est un mécréant. Mais les Mu'tazila de Bagdad ont ajouté quelque chose en plus que ceux de Basra. C'est que celui qui doute de celui qui doute et de celui qui doute de celui qui doute jusqu'à l'infini. Tous sont mécréants. Et la raison de leur mécréance est la même que celle du premier. Alors que les Mu'tazila de Basra, eux, disent que le premier douteur est mécréant, car il doute de la mécréance. Mais que le deuxième, celui qui doute du douteur, n'est pas mécréant, mais bien pervers, car il n'a pas douté de la mécréance, mais il a juste douté du douteur. A-t-il mécru par son doute ou non ? Il ne considère donc pas la cause de sa mécréance comme étant la même que celle du premier. Ainsi, d'après eux, celui qui doute du douteur et celui qui doute de celui qui doute, jusqu'à l'infini, sont tous des pervers, sauf le premier douteur qui lui est mécréant. Et leur avis est meilleur que celui des Bagdadiens. Abu Muhammad Ali ibn Hazm, et Allah nous informa au sujet des mécréants. Il dit alors, et si tu leur demandais qui les a créés, ils vont certes te répondre, c'est Allah. Allah a donc annoncé qu'ils admettent sa sincérité et qu'ils ne le démentent pas. Et ce sont les juifs et les chrétiens. Et ils sont mécréants sans aucune divergence de la part de qui que ce soit de la communauté. Et quiconque conteste leur mécréance, aucun membre de la communauté ne divergea sur sa mécréance et sa sortie de l'islam. Al-Qadi Aboul Fatl Al-Iyad Al-Yahsabi. Il dit au sujet de certains Mu'tazila qui disent qu'Allah n'a pas d'argument contre certains juifs et chrétiens, comme ceux qui suivent aveuglément leur peuple. Et celui qui professe tout ceci est un mécréant à l'unanimité, stipulant la mécréance de celui qui ne juge pas un chrétien ou un juif, ou quiconque se sépare de la religion des musulmans, mécréant, ou hésite à les juger mécréants, ou doute. Le Qadi Abu Bakr ibn al-Arabi a dit, car il ne fait pas de doute que les textes et l'unanimité sont en accord sur leur mécréance. Et celui qui s'abstient de cela a certes démenti le texte ou en a douté. Or, démentir ou douter ne peut provenir que d'un mécréant. Puis le Qadi Iyad dit, et ainsi il y a unanimité pour bannir de l'islam quiconque rejette un texte clair du Coran ou détourne le sens d'un hadith unanimement et catégoriquement authentifié et unanimement compris d'après le sens apparent, d'après le sens appartenant sans allégorie. Comme par exemple ce qui concerne le tekfir à l'encontre de ceux qui parmi les khawarij ont rejeté la peine de la lapidation à l'encontre de l'adultère marié. Et c'est pour cela que nous expulsons de l'islam quiconque ne juge pas mécréant celui qui adopte une autre religion que celle des musulmans, parmi les autres religions, ou hésite à leur sujet, ou doute, ou encore valide leur religion. Même s'il est en même temps persuadé que l'islam est la vraie religion, et qu'il est persuadé que toute autre religion est fausse, une telle personne est mécréante pour avoir exprimé le contraire de cela. Yahya ibn Sharaf al-Nawawi. Celui qui ne considère pas que ceux qui adoptent une autre religion que l'islam, comme les chrétiens, sont des mécréants, ou qu'ils doutent sur leur mécréance, ou qu'ils valident leur doctrine, c'est un mécréant, même s'il manifeste en même temps l'islam et qu'il y croit. Zakaria ibn Mohammed al-Ansari. Ou bien, s'il doute sur la mécréance des juifs et des chrétiens, ceci est l'expression que l'on trouve dans Ar-Rawda. Ou bien celui qui ne considère pas ceux qui adoptent une autre religion que l'islam, comme les chrétiens, sont des mécréants, ou doutent de leur mécréance, ou valident leur doctrine, Cette expression est plus générale que celle de l'auteur avec l'ajout d'un jugement, ou bien doute de la méchance de la bande d'Ibn Arabi, dont la profession apparente est l'incarnation. Ibn Taymiyyah dit au sujet de ceux qui doutent de la méchance de la bande d'Ibn Arabi. Et celui qui doute de la méchance de ces gens-là après avoir été informé de leur croyance et après avoir été informé de la religion de l'islam, c'est un mécréant, au même titre que celui qui doute de la mécréance des juifs et des chrétiens et de ceux qui donnent des associés à Allah. Mohammed ibn Abdel Wahhab dit, je vais te citer les propos de l'auteur de Al-Iqna' qui déclare la mécréance ainsi que la mécréance de ton père, dans plus d'un passage de ce livre. Le quatrième est qu'il a mentionné que celui qui prétend qu'il y a quelque chose de divin en Ali est un mécréant, et que celui qui doute de sa mécréance est un mécréant. Or ceci est la question que tu plaides dans les assemblées des chirs. Or, il fut clairement déclaré dans l'Iqna' que celui qui doute de leur mécréance est un mécréant. Alors que dire de celui qui plaide en leur faveur et prétend qu'ils sont musulmans? Et il dit, il fut mentionné dans l'Iqna' d'après Shir Taqiddin, que celui qui invoque Ali ibn Abi Talib est un mécréant, et que celui qui doute de sa mécréance est un mécréant. Alors si ceci concerne celui qui doute de sa mécréance, tout en se séparant de lui et en le détestant, que penser de celui qui est convaincu que c'est un musulman et ne se sépare pas de lui? Que dire encore de celui qui l'aime? Et que dire après de celui qui plaide en sa faveur, ainsi qu'en la faveur de sa méthodologie? Et il dit, d'ailleurs, la religion de l'islam n'est valide, sauf si on se sépare de ceux-là, les taroutes, et qu'on les bannit de l'islam. Comme le dit Allah, celui qui met croit aux taroutes et a foi en Allah, il a, certes ainsi, saisi l'anse la plus solide. Mustafa ibn Sa'd al-Suyuti, Abu Haybani. Ou bien celui qui ne considère pas mécréant celui qui adopte une autre religion que l'islam, comme les chrétiens et les juifs, ou doute de leur mécréance, ou encore valide leur tendance, c'est un mécréant selon la parole d'Allah. Et celui qui désire une autre religion que l'islam, cela ne sera pas accepté de lui. Cheikh Abdelrahman ibn Hassan al-Sheikh a dit, notre Cheikh disait, car il n'a pas considéré que le simple fait de prononcer cette phrase protège le sang et les biens, ni même le fait de connaître sa signification, ni même de l'approuver, ni même le fait de n'adorer qu'Allah sans lui attribuer d'associé. Tout cela ne protège la vie et les biens que s'il y est ajouté le désaveu de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. S'il doute de cela ou s'en abstient, alors son sang et ses biens ne sont pas sacrés. Je dis, et ce que notre Shir a rappelé ici, c'est ça que signifie « il n'y a de vrai Dieu qu'Allah ». Et c'est ça que signifie le verset « quiconque met croit au Tarout et a foi en Allah a saisi l'anse la plus solide ». Or, aucun musulman n'en doute, et Dieu merci, et quiconque doute de cela n'a pas désavoué le Tarout. Et ceci suffit comme argument contre ce détracteur, et cela suffit comme preuve qu'il ignore ce qu'est le monothéisme, qui est la racine de l'islam et sa structure de sa base même. Et ceci nous montre la situation de cet homme. Il ne connaît pas le sens de la phrase « il n'y a de vrai Dieu qu'Allah ». Car s'il en connaissait le sens, il aurait su que quiconque doute ou hésite sur la mécréance de celui qui associe Allah à un autre que lui, il n'a pas désavoué le Tarout. Et certains éminents savants du Nejd l'ont dit. Et parmi les motifs du djihad contre celui qui le commet, ne pas bannir les polythéistes de l'islam ou hésiter à le faire, car ceci est certes l'une des causes d'invalidité de l'annulation de l'islam. Celui qui s'en rend coupable sort donc de l'islam. Et son sang et ses biens sont désacralisés. Et il devient obligatoire de le combattre jusqu'à ce qu'il bannisse les polythéistes de l'islam. Et la preuve de cela sont les propos du prophète, qu'Allah l'honore et le salue. Celui qui professe qu'il n'y a de vrai Dieu qu'Allah et désavoue ce qui est adoré en dehors d'Allah, son sang et ses biens sont sacrés. La sacralisation du sang et des biens dépend donc de deux éléments. Le premier est de professer qu'il n'y a de vrai Dieu qu'Allah. Le second est de désavouer ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et le sang et les biens d'un homme ne seront protégés qu'avec ces deux éléments réunis. Dire qu'il n'y a de vrai Dieu qu'Allah, et ce qui en est attendu, n'est pas la simple prononciation, mais bien ce qu'elle veut dire, à savoir l'unicité d'Allah dans toutes les formes de culte. Et le deuxième est le désaveu de ce qui est adoré en dehors d'Allah, et ce qui en est attendu, c'est de bannir les polythéistes de l'islam et de se séparer d'eux et de ce qu'ils adorent avec Allah. Sulayman ibn Sahman ainsi que d'autres savants ont dit « Et ainsi, concernant les adorateurs de tombeaux, celui qui a senti l'odeur de la foi ne doute pas de leur mécréance. » Et même si cette personne a l'habitude de réciter par cœur la définition de l'islam et du musulman, lorsqu'il s'agit de concrètement faire la différence entre un musulman et un associateur, il ne sait plus rien. Celui-là, en vérité, ne comprend rien du tout à ce qu'il récite lorsqu'il donne la définition du musulman et les conditions de l'islam, les piliers du monothéisme. Toutes ces paroles sont pour lui de simples mots qui ne s'appliquent pas dans la réalité. L'imam Mohammed ibn Abdel Wahhab nous parla de ce genre de gens lorsqu'il dit « Beaucoup de ceux que nous avons rencontrés et qui ont étudié chez nous et lu avec nous connaissent tout ça de leur langue, mais dès que les choses arrivent concrètement, ils ne le connaissent pas. D'ailleurs, lorsque certains polythéistes disent à l'un d'entre eux « Nous savons que le messager d'Allah ne possède pour lui-même ni de bien ni de mal, mais c'est Allah qui donne le bien et le mal. » Il lui répond « Qu'Allah te récompense. » Et il pense que c'est ça le monothéisme, alors que nous lui avons enseigné pendant plus d'un an que ceci est l'unicité dans la seigneurie, que même les polythéistes admettent. Par Allah, réfléchis bien à cette question, car c'est elle qui fait la différence entre la mécréance et l'islam. Et si un homme dit « Les conditions de la prière sont au nombre de 9 » et qu'il les énumère entièrement, puis lorsqu'il voit un homme prier des vêtus sans raison ou sans ablution ou sans se tourner vers la Qibla, il ne sait pas que cette prière n'est pas valide. Alors il ne connaît pas les conditions de la prière, même s'il sait les énumérer de sa langue. Et s'il dit « Les piliers de la prière sont au nombre de 14 », puis qu'il les énumère complètement, mais lorsqu'il voit un homme prier sans réciter la Fatiha ou sans s'incliner ou sans s'asseoir pour le tashahhud, il ne sait pas que cette prière est invalide. Alors il ne connaît pas les piliers de la prière, même s'il les énumère. Par Allah, réfléchis bien à cette question. Nous disons la même chose. Celui qui donne la définition de l'islam et énumère les 7 conditions de la ilaha illallah et affirme que la première d'entre elles est de savoir ce que conteste et ce qu'affirme ce témoignage. Et que parmi ces conditions, il y a la consécration du culte à Allah uniquement. Puis lorsqu'il voit un homme qui adore un autre qu'Allah en ignorant que c'est contraire à l'islam, il trouve tout de même que c'est un musulman car il est ignorant. Celui-là, en vérité, ne sait pas que la première condition de l'islam est de savoir ce que veut dire la ilaha illallah, même s'il prétend le contraire, car s'il le savait vraiment, il ne douterait pas que celui qui ignore ce que veut dire la ilaha illallah n'est pas musulman. Le fait de savoir que celui qui adore un autre qu'Allah n'est pas musulman est une condition sine qua non de l'islam. Car c'est en sachant que celui qui adore un autre qu'Allah n'est pas musulman que l'on prouve qu'on sait ce qu'est l'islam et un musulman. Après ça, nous pouvons dire que celui qui contredit la signification du témoignage qu'il n'y a de vrai Dieu qu'Allah, en adorant un autre qu'Allah, ou en insultant Allah, ou en se moquant d'Allah, n'est pas musulman. Et celui qui trouve qu'il est tout de même musulman, n'est lui-même pas musulman, car il pense que l'islam est valide, même si on contredit le témoignage, la ilaha illallah. Celui qui contredit la signification du témoignage que Mohammed est le messager d'Allah, en insultant le prophète, ou en suivant une autre religion que la sienne, ou en se moquant du prophète ou de la religion. Et celui qui trouve qu'il est tout de même musulman, il n'est lui-même pas musulman, car il pense que l'islam est valide, même s'il contredit le témoignage que Mohammed est le messager d'Allah. Allah a dit, certes vous avez eu un bel exemple à suivre en Ibrahim et en ceux qui étaient avec lui, quand ils dirent à leur peuple, nous vous désavouons vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah. Nous vous renions entre vous et nous. La rupture et la haine sont à jamais déclarées jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul. Sourate 60, verset 4. Ce verset nous décrit la religion d'Ibrahim et de ceux qui étaient avec lui parmi les prophètes. C'est ainsi que l'expliqua l'imam des interprètes du Coran, Ibn Jarir. La religion d'Ibrahim et des prophètes est composée des éléments suivants. Désavouer ceux qui adorent un autre qu'Allah, les polythéistes. Désavouer ceux que les polythéistes adorent d'autres qu'Allah, les idoles et les tawarites. Mais croire en eux, les polythéistes et les idoles. Laisser paraître la rupture et la haine jusqu'à ce qu'ils aient foi en Allah seul. Nous pouvons donc savoir que celui qui ignore qu'un polythéiste n'a pas foi en Allah seul sera incapable d'appliquer la religion des prophètes, vu que cette religion repose sur le fait de reconnaître un monothéiste d'un polythéiste. Ensuite, le désaveu des polythéistes signifie se séparer d'eux et se distinguer d'eux et de leur religion. Cheikh Ishaq ibn Abdelrahman el-Oshir a dit « Et l'origine du désaveu, c'est le fait de faire rupture et de se démarquer de quelque chose. C'est tiré du verbe « barra » pour dire « couper ». Donc le sens de « nous vous désavouons », c'est que nous coupons les ponts avec vous. Nous nous séparons de votre religion et nous en distinguons. Vous et nous sommes pas pareils. Nous n'avons pas la même religion. C'est ça que signifie désavouer les polythéistes. Celui qui n'a pas conviction que le polythéiste est dans une autre religion que la sienne et pense qu'il n'est pas permis de l'exclure de l'islam, celui-là n'a pas désavoué le polythéiste et contredit la religion des prophètes. Shir Ishaq dit aussi, le sens de Al-Adawa, c'est que tu sois sur un rivage et que ton adversaire soit sur un autre rivage. Et l'origine du désaveu, c'est de faire rupture avec quelque chose de son cœur, de sa langue et de son corps. Et le cœur d'un croyant ne peut se séparer de la rupture avec le mécréant. Par contre, il y a divergence sur la question d'exposer physiquement cette rupture. Il est possible qu'une cause légale pousse à cacher cette rupture, comme la contrainte avec le cœur serein. Cette rupture peut aussi être cachée pour cause de faiblesse, ce qui est excusable, vu que le Coran l'a excusée. Et il arrive qu'elle soit cachée pour un intérêt mondain, ce qui est le cas de la plupart des gens. Mais ceci tant que cela ne va pas jusqu'à montrer de l'accord sur leur religion. Regarde bien que le shihadi et le cœur d'un croyant ne peut se séparer de la rupture avec le mécréant. Il est possible d'être croyant et encore moins musulman si l'on croit qu'un polythéiste est musulman. Et Cheikh Abdel Latif ibn Abd al-Rahman et le Cheikh dit « Car il est inimaginable qu'il puisse connaître le monothéisme et le pratiquer alors qu'il ne fait pas rupture avec les polythéistes. Celui qui ne fait pas rupture avec eux, on ne dit pas de lui qu'il connaît le monothéisme et le pratique. » Cheikh Ahmed ibn Atiq dit « Il y a là un point remarquable dans le verset. Nous vous désavouons vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah. » C'est qu'Allah a fait primer le désaveu envers les polythéistes sur le désaveu envers leur objet de culte, car le premier est plus important que le deuxième. En effet, il se peut qu'un homme désavoue les idoles, mais pas ceux qui les adorent. Il n'aura alors pas accompli son devoir. Par contre, si quelqu'un désavoue les polythéistes, il aura automatiquement désavoué leurs idoles. C'est comme dans le verset « Je m'écarte de vous et de ce que vous invoquez d'autre qu'Allah ». Sourate 19, verset 48. Il a donc fait primer de s'écarter des polythéistes sur le fait de s'écarter de leurs idoles. Et aussi le verset « Et lorsqu'il s'écarta d'eux et de ce qu'ils adorent d'autre qu'Allah ». Et dans le verset « Puis lorsque vous vous serez écartés d'eux et de ce qu'ils adorent, sauf d'Allah ». Tu dois faire attention à ce point. Il t'ouvrira la porte de la rupture avec les ennemis d'Allah. Car combien sont ceux qui, bien qu'ils ne commettent pas le polythéisme, ne se sépare pas de ceux qui y adhèrent. À cause de ça, il n'est pas musulman vu qu'il a abandonné la religion de tous les prophètes d'Allah. Aussi, Allah nous a décrit le sens de ce désaveu en détail dans la sourate Al-Kafirun. Dit, ô vous les mécréants, je n'adore pas ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore, et je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. À vous votre religion, et à moi ma religion. Et Abdurrahman ibn Hassan dit, tous les savants anciens et contemporains des compagnons et de leurs disciples, jusqu'aux imams et l'ensemble des sunnites sont unanimes pour dire qu'un homme ne devient musulman qu'après s'être dépouillé de toute idolâtrie majeure, s'en être désavoué, ainsi que de ceux qui la commettent, les détester et s'opposer à eux dans la mesure du possible et de la capacité, et ne vouer toutes ses œuvres de dévotion qu'à Allah uniquement, comme le rapporte Mu'adh ibn Jabal, le rapporte d'après les deux recueils authentiques, le droit d'Allah sur ses serviteurs, et qu'il l'adore sans rien lui associer. Il n'est donc pas possible d'être musulman sans savoir que celui qui adore un autre qu'Allah n'est pas musulman, ni sans le haïr et se désavouer de lui.